ثانية و وعشر عن توزيع ما صار ولا إلى تو قبل دخول الكل أكلا trouve une heure avant l'école. Fabina. Ça, c'est un avocat là, c'est pas dans le texte. Hein. Je t'inscris le texte. Je t'inscris le texte, c'est que c'est une heure qui est tôt là. Fabina, Sabahan, Wafis Sahati, Al-Khan Safi, Wanes, Wanifs, Wanifs, Tekriben. Je sais pas ce qu'ils veulent là. Là, faut mettre le nom. Le nom de celui qui fait l'action. Et à 5 heures. C'est qui là, le... Faut que tu mettes un nom là. De celui qui fait tout ça depuis le début. En fait, non, les... ouais, en fait, non, je me trompe, il n'y a pas de Hamza Ahmed. C'est Roua en fait, tout, c'est pas Anna. Et c'est Ahmed qui fait l'action. Donc c'est normal, ils ont commis le Hamza. استيقظ أحمد من النوم مبكرا فصلى صلاة الفجر ثم تناول الطعام الإفطار واستعد ما جديك يا بعد حمزة فت سي هو سي با أنا ذهب للمدرسة وانتظر أحمد هناك حتى الساعة الثامنة في أحمد سي با أحمد يستفعل صباحا وفي الساعة الخامسة والنصف Là, il y a un nom à mettre, je pense. Parce que là, Ahmed, il a une fatha. Donc, c'est quelqu'un qui dit Ahmed. T'es une Dhamma, toi ? Oui, moi aussi. Il y a une fatha en dessous. Ah, mais ils ont mis la Dhamma. Ils ont ajouté, en fait, ça a été rectifié. Mais ça ne veut rien dire. Zara, Ahmed, Ahmed, Ahmed. C'est pour ça qu'il faudrait mettre quelqu'un là. C'est quelqu'un qui est Ahmed. Il faudrait mettre Ahmed en mafoul B. Donc là, mets un nom n'importe. Mets un nom n'importe. Mohamed. Zara Ahmed. Ouais, mets Mohamed. Mohamed Zara Ahmed. Là, je crois qu'il y a un truc, qu'il y a un manque là. Je sais pas ce qu'ils ont voulu mettre. Mais Mohamed Zara Ahmada. Thumma. Zara Ahmada. Thumma tawajjaha ila al-mustashfa. Là, regarde ce qu'il dit après. Comment le mustashfa? Tu veux mustashfa pour chercher des fruits? Non. Il a encore. Il est le Kukel. Non. Le Kukel de Bachtari Barba. Bachtari Barba. Bachtari Barba. Bachtari Barba. Bachtari Barba. Bachtari Barba. Bachtari يعني أظن مساء الثامنة مساء تلك لوجيك طيب رابعا أجيب الأسئلة الآتية أين يقف الإمام في خطبة الجمعة donc où se tient debout l'imam pendant la khutbah de jumu'ah ثانيا هل يمكن أن نصلي صلاة الجمعة في المنزل؟ Est-il possible de faire صلاة الجمعة à la maison؟ يعني سواء يمكنك c'est possible. نعم. Et pour dire il m'est possible يمكنني. نعم. ثالثا لماذا نلبس الملابس النظيفة ونتطيب لصلاة الجمعة؟ Pourquoi nous revêtons des vêtements propres et nous parfumons pour la salat du Jumu'ah. Rabi'an, mal moudou al-lazi tahaddasa anhu l'imam fil khutbati yawm al-jumu'ah al-madi. Donc quel sujet a traité, de quel sujet a parlé l'imam dans la khutba du vendredi dernier. Sujet. Khamisan, min ayna tashtari at-tib, d'où achètes-tu le parfum? سادسا وصلت إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجمعة بعد انتهاء صلاة الجمعة ماذا تفعل؟ Tu es arrivé au masjid après que la salat du jumu'ah soit terminée. Qu'est-ce que tu fais? Sur le fikri. Tu fais quoi? T'as le jumu'ah. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a que ça à faire, frère. Non, il n'y a pas que ça. Comment il n'y a que ça à faire? Non, il n'y a que ça à faire. Il n'y a pas que ça à faire, il n'y a pas que ça à faire. Tayyib. Khamisan, tu vas faire un barf. Tu vas faire une recherche. Un masala. Savoir si je rate le jumu'ah, qu'est-ce que je dois faire? Je suis bête. Il y a bête. Tout cela, c'est bête, ce qu'il faut réfléchir. Tayyib. Khamisan, il tardit que les mettent à ATF et je vous mets le moufi là. طيب وفاص شلا إقامة الصلاة إن فاز دون إقامة الصلاة واسبيكت الحركة أنت تقرأ بعض ولا تزيد المؤذن ينادي لإقامة الصلاة لا أشت بيان دي attention واسبيكت الحركة إقامة الصلاة أيوة Et là, il dit Dhamma, je gagne la Dhamma. Yuhawilu. داود يحاول أن يفعل الجملة المفيدة. طيب. وداود قد فعل جملة مفيدة. الحمد لله. قد؟ كلا فت. ثالثا شمس. هذا شو صفات حركة؟ تو استعد استعداد. فكر أنت. طيب. استعداد الإفطار طويل. لا استعداد. سي بريباري. سي بريباري فرمان. استعداد. استعداد. سي بريباري. سي بريباري. دونك استعداد. Il se prépare, je ne comprends pas, c'est un mazdar. C'est un mazdar, c'est-à-dire le fait de se préparer. Mmh. Mais c'est comment le mazdar, est-ce qu'il y a d'un ou... Ah, c'est un mazdar, là, comme on entend. Si tu ne trouves pas, prépare-toi. Ça yuhayu le Daoud, an yafa jumla mufida, ma astirdad. لا الاستعداد ليوم الجمعة مهم أحسنت خلاص ريبوستو شو صار لنا فيديو من ريبوستو طيب سنواصل في 22 في الأول في 28